بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين وبعد. Nous terminons aujourd'hui bi'idhnillah le tafsir, l'explication de sourate Ad-Duha. On a vu la première partie de la sourate et nous restait quelques versets. Et on continue, inshallah ta'ala. Qala azza wa jal, fa amma al-yatima fala taqhar. Wa hadha fi muqabala, alam yajidaka yatiman, fa awa. Donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au sens approché. Fa amma al-yatima fala taqhar. Yani quant à l'orphelin, ne le maltraite pas, ne sois pas dur envers lui. Donc cette parole de Allah subhanahu wa ta'ala, elle est en relation avec le verset précédent. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et il a accueilli. Donc vous voyez, il y a une corrélation entre les deux, d'accord. Fa'idha kana Allah awaka fi yatimik fala taqhar al yatim. إلا أن يكون قهرا في مصلحة له في مصلحة له فهذا ليس قهرا في الحقيقة وإن كان قهرا ظاهريا ولكن لمصلحة عظيمة لهذا اليتيم فلا تقهر اليتيم بل أكرم اليتيم. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala t'a accueilli alors que tu étais orphelin, ne sois pas dur envers l'orphelin. D'accord ? Donc ça, c'est un ordre, bien sûr, qui est pour tout le monde. Ne pas être dur avec les orphelins. Et on va voir après quelques hadiths concernant les orphelins. Et le Shiri dit, excepté, tu peux être dur avec eux s'il y a un intérêt. S'il y a un intérêt pour l'orphelin. Si à un moment donné, une situation précise, pour quelque chose de bien particulier, tu as besoin d'être dur envers l'orphelin, alors là, à ce moment-là, tu peux être dur avec lui. Sachant que ce n'est pas une dureté réelle. Bien sûr, c'est une dureté apparente, mais en réalité, c'est pour le bien de qui ? De l'orphelin. Comme avec les enfants aussi. Des fois, tu es avec tes enfants, tu es dur avec eux. Pas parce que tu veux être dur avec eux, mais parce que c'est pour leur bien. Cette dureté est pour leur bien. Taïb. Donc ne sois pas dur, ne sois pas méchant avec les orphelins, mais plutôt honore l'orphelin. Prends soin de lui. Wal-ihsan ila al-yatama. وإكرامهم من أوامر الشريعة ومن حسنات الشريعة لأن اليتيم الذي مات أبوه قبل أن يبلغ منكسر الخاطر يحتاج إلى الجبر يحتاج إلى من يسليه وإلى من يدخل عليه السرور لا سيما إذا كان قد بلغ سنا يعرف به الأمور كالسابعة والعاشرة وما أشبه ذلك. Mais la bienfaisance envers les orphelins, hein, et le fait de les honorer, hein, ceci fait partie des ordres de la charia, de la législation. Ceci fait partie des bonnes actions de la charia, hein, de la législation islamique. Parce que l'orphelin, celui qui a perdu son père avant qu'il n'atteint la puberté, son cœur est brisé. Son cœur est brisé, n'est-ce pas? Il a besoin de quoi? De tendresse. Il a besoin, hein, de compassion. Il a besoin, hein, que tu rentres dans son cœur la joie et le bonheur. Et plus particulièrement, hein, les orphelins dont ils ont atteint l'âge, hein, où ils comprennent les choses. 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, ils comprennent les choses. Un orphelin de 2 ans, 3 ans, il ne sait pas que son père est parti. Mais quand il a 7 ans, 8 ans, 9 ans, il sait, il comprend les choses. Il a besoin de tendresse, il a besoin de compassion, il a besoin que tu rentres le bonheur dans son cœur. Donc tout ceci fait partie, hein, de la charia, de la législation islamique. Et à ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup d'ahadith, même des versets du Coran, hein, autre que celui-ci, qui montre, hein, l'importance de s'occuper des orphelins et d'être bon et compatissant avec eux. Aussi des ahadith. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ana wa kafilul yatim fil janna hakadha. Hakadha. Il a quoi? Il a, hein, wa ashara bi as-sababa wal wusta wa faraja baynahuma. Kama rawahu Muslim. L'imam Muslim mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: moi et celui qui s'occupe de l'orphelin, nous serons au paradis comme ça. Et il a mis son doigt, l'index, avec le majeur collé comme ça. Allahu Akbar. Imaginez-vous, mes frères, hein, méditez. On entend un hadith, mais il n'est pas là pour passer dans une oreille et sortir dans l'autre. Qui parmi les musulmans, qui parmi les croyants n'a pas envie d'être comme ça avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Avec le prophète, le meilleur des hommes, l'homme qu'on aime le plus au monde, plus que nos propres parents, plus que nos propres enfants, celui qui s'occupe de l'orphelin, il sera comme ça avec lui. Fil Jannah. Allahu Akbar. T'entends ça? Tu cherches un enfant? Où sont les orphelins qu'on s'occupe d'eux? Hein? Subhanallah. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشتكي قسوة قلبه فقال له أتحب أن يلين قلبك وأن يلين قلبك وتدرك حاجتك ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك كما أخرجه الطبراني وصححه الإمام الألباني. Également, Abu Darda رضي الله عنه rapporte que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, un homme est venu le voir en se plaignant, hein, de la dureté de son cœur. Il s'est plaint de quoi? De la dureté de son cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voudrais-tu que ton cœur s'adoucisse et que tes besoins, hein, que tu atteignes tes besoins? Alors il lui a dit: sois miséricordieux envers l'orphelin, caresse-lui la tête, nourris-le avec ta nourriture et ton cœur sera adouci et tes besoins seront accomplis. Allahu Akbar. Regardez, hein, regardez la grande importance d'être bon, d'être compatissant, d'être doux, d'être miséricordieux avec les orphelins. ثم قال سبحانه وتعالى وأما السائل فلا تنهر. هذا في مقابل ووجدك ضالا fahada. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset suivant, quant à celui qui demande, ne le repousse pas. Quant à celui qui demande, ne le repousse pas. Cette parole, elle est en corrélation, elle va avec laquelle ? Wa wajadaka dhalan fahada. Nous t'avons trouvé ignorant, il t'a trouvé ignorant et il a guidé. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Awwalu ma yadkhulu fi as-sa'il as-sa'il 'an ash-shari'a. 'An al-'ilm la tanharu. لأنه إذا سألك يريد أن تبين له الشريعة فوجب عليك أن تبينها له لقول الله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه لا تنهره. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne ici au sens approché, quant à celui qui te demande, ne le repousse pas. La première chose qui rentre dans ce verset, c'est celui qui demande à propos de la sharia, qui demande à propos de la science, du din, de la religion. Ne le repousse pas. Car s'il te demande, c'est qu'il veut que tu lui clarifies une chose de la religion. Quelqu'un vient te voir, il y a mon frère. Comment on fait les ablutions? Ah, vas-y, j'ai pas le temps. Bouge. J'ai pas le temps de m'occuper de toi. Ne le repousse pas. S'il vient te demander quelque chose, alors prends soin de lui et réponds à sa demande. Il est obligatoire que tu lui clarifies cela. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'engagement de ceux à qui on a donné le livre afin qu'ils clarifient aux gens et qu'ils ne cachent pas la science, ni le livre, ni la science. On ne doit pas repousser celui qui te demande. لأنه إن نهرته نفرته ثم إنك إذا نهرته وهو يعتقد أنك فوقه لأنه لم يأتي يسأل إلا أنه يعتقد أنك فوقه إذا نهرته وهو يشعر أنك فوقه أصابه الرعب واختلافات حواسه وربما لا يفقه ما يلقي إليك من السؤال أو لا يفقى ما تلقيه إليه من الجواب وقيس نفسك أنت لو كلمت رجلا أكبر منك منزلة ثم نهرك ضاعت حواسك ولم تستطيع أن ترتب فكرك وعقلك لهذا لا تنهى السائل. Donc si quelqu'un vient te demander à propos de la religion, de la science, ne le repousse pas, car tu vas le faire fuir. Car s'il vient à toi, c'est qu'il pense que tu es supérieur à lui dans ce domaine. Sinon, il ne serait pas venu à toi. Il vient à toi parce qu'il pense que tu es supérieur à lui. Je vois que tu es tous les jours à la mosquée. Je vois que tu apprends à la mosquée. Je vois que tu écoutes des cours. Je vois que tu lis le Coran. Donc il pense que tu es meilleur que lui dans ce domaine. Alors il vient te demander. Et si tu le repousses, si tu le rejettes, il va partir, il va s'enfuir de toi et tu ne le reverras plus. D'accord ? Et ensuite, lui, il va sentir dans son cœur un mal-être. Il va se sentir mal à l'aise par rapport à toi. Donc si quelqu'un vient te demander, ne le repousse pas. Mets-toi à sa place. Imagine-toi, tu vas voir quelqu'un que tu penses être meilleur que toi. Et tu lui demandes une question et il te repousse, il te rejette. Il ne répond pas et il te méprise. Comment tu vas te sentir? Tu vas te sentir mal. Tu ne vas plus aimer cette personne. Ou tu vas l'estimer. Elle est sacadalique, n'est-ce pas? Non. Et à ce sujet, il y a un hadith avec un wa'id شديد avec une menace sévère. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. الله أكبر. والحديث رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: celui à qui on demande une question à propos d'une science et qu'il la cache, c'est-à-dire qu'il ne répond pas, il connaît la réponse, il sait mais il ne dit pas, alors Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyama il lui mettra une lijam min al-nar. C'est quoi lijam? C'est ce qu'on met dans la bouche des animaux là. Vous voyez dans la bouche des animaux, des chevaux, des ânes, on met dans la, un mort, on appelle ça en français, comme ça pour tenir, et après il y a des rênes pour le tenir. Vous voyez ça? On lui mettra ça de feu dans la bouche au Melkiyama. Pourquoi? Parce qu'il a caché une science. Quelqu'un te demande quelque chose, une science, tu ne le dis pas, tu le caches. Regardez le châtiment terrible, la menace sévère pour celui qui cache la science, pour celui qui ne veut pas, qui repousse le demandeur. Donc faites très attention, mes frères. Si quelqu'un vient vous demander une chose, bien sûr, si tu ne sais pas, tu dis « Allah, Alam, je ne sais pas. » Ça ne rentre pas dans le sujet. Une personne qui ne connaît pas la réponse, il ne parle pas. Et au contraire, s'il parle et il ne connaît pas, c'est là qu'il y a une menace et un châtiment sévère de parler sur la religion d'Allah, de ce qu'il ne connaît pas. Mais si tu connais, il te demande comment on fait les ablutions. Tu sais faire les ablutions, tu as appris. Et toi, tu dis « Non, je te dis pas, non, toi, je t'aime pas. » Ou pour une raison X ou Y, tu ne veux pas lui dire. Regardez le châtiment sévère. Et donc lui, il rentre ici, c'est ce qui rentre dans le verset. « وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَارَ » Quant au demandeur, celui qui demande ne le repousse pas. Vous avez compris. « وَرُبَّمَا يَدْخُلْ فِي ذَلِكَ أَيْضًا صَائِلُ الْمَالِ » صائل المال يعني إذا جاءك سائل يسألك مالا فلا تنهره لكن هذا العموم يدخله التخصيص. On va voir ça après. Aussi également, ce qui rentre dans ce sujet, ce qui rentre dans ce verset, c'est celui qui vient à toi et qui demande de l'argent. Quelqu'un qui vient à toi et qui demande de l'argent, alors ne le repousse pas. Ne le repousse pas. Bien sûr, encore une fois, selon les moyens de la personne. Si t'as rien, tu vas pas lui donner ce que t'as pas. Mais si tu as de l'argent, et toi tu le repousses de façon hautaine, tu le repousses, tu le rejettes. Ce n'est pas correct. Et contraire est au verset. Ce verset est très important. Ce verset, il est général. Mais il y a quelque chose de spécifique qui rentre dans ce verset. إذا عرفت أن السائل في العلم مثلا إنما يريد التعنت وأخذ رأيك وأخذ رأي فلان وفلان حتى يضرب آراء العلماء بعدها ببعض فإذا علمت ذلك فهنا لك الحق أن تنهره وأن تقول يا فلان اتق الله ألم تسأل فلانا كيف تسألني بعدما سألته أتلعب بدين الله أتريد أن أفتاك الناس بما تحب سكت وإن أفتوك بما لا تحب ذهبت تسأل هذا لا بس أن تنهره لأن هذا النهر تأديب له. C'est quoi ce qui vient comme exception, on va dire, à ce verset? C'est par exemple la personne qui vient à toi pour te demander une science. Mais il veut par ceci quoi? Il veut être annoutenir le fitan, il veut les troubles. Il veut les problèmes, comme on dit. Pourquoi? Parce qu'il vient, il prend ton avis à toi. Après, il va voir un autre, il va prendre son avis à lui. Après, il va voir un autre, il va prendre son avis à l'autre. Et puis après, il va mélanger les avis. Hein, il va regarder qu'est-ce qui l'arrange. Hein? Comme ils font avec les ulémas, avec les savants. Il va voir un savant, il prend l'avis. Il va voir un autre, il prend son avis. Et un autre, il va voir son avis. Et un autre, et après, il fait des problèmes. Ah, lui, il a dit ça. Ah, lui, il a répondu à lui. Ah, lui, il regarde, il réfute lui. Ah, lui, mise en garde contre lui, etc. Yalab. Hein? C'est pour ça que le shir, il dit quoi ici? Si tu sais cela, si tu sais que cette personne fait partie de cette catégorie, alors ici, il n'y a pas de mal que tu le rejettes, tu le repousses. Et tu lui dis, est-ce que tu joues dans la religion d'Allah? Tu joues avec la religion d'Allah? Crains Allah! Crains Allah! N'est-ce pas que tu as demandé à un tel, ensuite tu viens demander à moi, après que tu as demandé à lui? Est-ce que tu veux que les gens te donnent une fatwa et ils te donnent un jugement par rapport à ta question? Si tu l'aimes bien, alors alhamdoulilah, tu te tais et tu fais. Mais si tu n'aimes pas ça, alors tu vas voir quelqu'un d'autre pour qu'il te donne la fatwa que tu veux. Il y en a, ils font comme ça. Il va voir un shir ou un savant, il lui demande. Le savant lui répond, ça ne lui plaît pas. Il va voir un autre, ça ne lui plaît pas. Il va lui voir un autre, ça ne lui plaît pas. Il va voir un autre, il lui dit, ah oui, ça me plaît, c'est bon, je prends ça. Ya ikhwa, la din, c'est pas un buffet. La religion, c'est pas un buffet. Hein, quand tu vas au restaurant, tiens, ça je prends, j'aime bien, ça je prends pas, ça je prends, oui, ça je délaisse, ça j'aime bien, non, ça j'aime pas. Non. La religion, c'est pas un jeu, c'est pas un buffet, comme on dit. Donc regardez celui-là, il veut quoi? Est-ce qu'il est sincère dans sa demande? Non, il veut quoi? Al-fitan. Al-ta'annut. Hein? Donc lui, t'as le droit de repousser. Lui, si tu sais, de façon sûre, avec preuve qu'il est comme ça, repousse-le. Il n'y a pas de mal. Lui dit le shir, est-ce que tu le repousses? Vous avez compris? Et ce fait de repousser, hein, c'est pour le dresser, hein, pour lui faire comprendre, hein, pour l'éduquer. وكذلك سائل المال إذا علمت أن الذي سألك المال غني فلك الحق أن تنهره ولك الحق أيضا أن توبخه على سؤاله وهو غني. Pareil, celui qui vient de demander de l'argent, hein? Et tu sais que celui qui vient de demander de l'argent, il est riche, il vient de demander de l'argent. Alors là, tu as le droit, c'est ton droit de le repousser. Et tu as le droit de lui faire une réprimande. Ya akhi taqillah. T'as des millions, tu viens me demander à moi 100 francs, ou 200 francs, ou 10 000 francs, ou, hein? Et t'as des millions. Tu as le droit de le réprimander. Bien sûr, hein, si tout ça est basé sur des preuves, sur quelque chose de concret. Et pas les suspicions, on vit pas avec les suspicions, hein. Parce que si vous commencez à vivre avec les suspicions, hein, vous allez suspecter tout le monde. Lui il est comme ça, lui il est comme ça. Non, hein, le din c'est avec preuve. Ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Oh vous qui avez cru, hein, si un dévoyé vous vient à vous, hein, avec une information, hein, clarifiez cela, cherchez à comprendre, et n'y cherchez la preuve. Hein? C'est pas t'as des suspicions, oui, attention, lui comme ça. Non, faut que ça soit de façon claire. Combien de gens ont été déshonorés? Combien de gens ont été rabaissés? Combien de gens ont été diminués? Combien de gens ont été insultés? Combien de gens ont été accusés de choses fausses? À cause de quoi? De la suspicion. Hein? Oh, la fille de Foulane, je l'ai vue, hein? C'est pas une bonne fille. Hein? Il suspecte. Hein? Oh lui il a des millions, lui il a des voitures, lui il a des maisons, lui hein? Il le suspecte. Attention à la suspicion, hein? Il y a comme un von. Hein? Et les hadiths et les versets du Coran sont nombreux sur le sujet. Là c'est pas le sujet du verset, mais attention. إذن هذا العموم السائل فلا تنهار مخصوص فيما إذا اقتضت المصلحة أن ينهار فلا بس. Donc le verset وأما السائل فلا تنهار, quant à celui qui demande, ne le repousse pas. Hein, c'est un verset qui est général, mais qui est conditionné par quoi? Hein, par le fait que s'il y a un intérêt général ou un intérêt à le repousser, comme on vient de voir, hein, alors à ce moment-là, il n'y a pas de mal. Vous comprenez, hein? C'est général. Mais si on sait qu'il y a une situation particulière, ou alors là, on doit le repousser, donc là, il n'y a pas de mal. Fahimtoum ? Vous avez compris ? وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Hein, le dernier verset où Allah subhanahu wa ta'ala mentionne « Et quant au bienfait de ton Seigneur, informe. » Ni'matullah ta'ala ala al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam allati dhukirat fi hadhi al-ayat al-thalath. Quel bienfait d'Allah? C'est les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le messager sallallahu alayhi wa sallam qui ont été mentionnés dans les trois versets précédents. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et il a accueilli? C'est un bienfait ou c'est pas un bienfait? C'est un bienfait. Ne t'a-t-il pas trouvé ignorant et il t'a guidé? C'est un bienfait ou c'est pas un bienfait? C'est un bienfait. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre et il t'a... Oui, pardon. Et on a dit que, hein, rappelez-vous. Il ne t'a pas trouvé ignorant et il a guidé. Pour dire que ça englobait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui ont été guidés par l'intermédiaire du prophète. Et ne t'a-t-il pas trouvé riche, pauvre et il a enrichi? Hein? Donc tout ça, c'est des bienfaits ou pas? وَبِهَذِهِ الثَّلَاثِ تَتِمُ النِّعَمِ حَدِّثْ بِنَعْمَةِ اللَّهِ قُلْ كُنْتُ يَتِيمًا فَآوَانِ اللَّهِ كُنْتُ ضَلًّا فَهَدَانِ اللَّهِ كُنْتُ عَائِلًا فَأَغْنَانِ اللَّهِ لَكِنْ تُحَدِّثُ بِهَا نعم إظهارا لنعمتي وشكرا للمنعم لا افتخارا بها على الخلق لأنك إذا فعلت ذلك افتخارا على الخلق كان هذا مذموما أما إذا قلت أو إذا ذكرت نعمة الله عليك تحدثا بالنعم وشكرا للمنعم فهذا مما أمر الله به. Donc ces trois choses sont des bienfaits. Le prophète, Allah Azza wa Jal ordonne, il lui dit, hein, informe, hein, mentionne ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dis, j'étais orphelin et Allah m'a accueilli. J'étais ignorant, Allah m'a guidé. J'étais pauvre, Allah m'a enrichi. Mais bien sûr, tu dis ça, hein, tu mentionnes ces bienfaits afin de montrer de quoi ces bienfaits justement et de remercier celui qui t'a donné les bienfaits, le bienfaiteur. Et non pas par orgueil ou par vantardise, hein, sur les autres créatures. Car si tu fais ça par vantardise ou par orgueil sur les autres créatures, alors ceci est blâmable et condamnable. Mais si tu le dis, hein, si tu mentionnes les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin, hein, de proclamer ses bienfaits et de remercier, hein, celui qui t'a donné ses bienfaits, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est ça qu'Allah azza wa jalla a ordonné. Donc pour nous c'est pareil. Si Allah t'a accordé un bienfait, proclame-le, annonce-le, hein, aux gens. Hein? Mais tu le dis pourquoi? Est-ce que tu le dis pour, hein, pour, comme on dit chez les jeunes, pour te la raconter, hein, yani pour, hein, pour te vanter, hein, pour t'enorgueillir devant les gens? Non, là c'est interdit, ça c'est haram. Mais tu le dis pourquoi? Pour mentionner, pour prononcer les bienfaits d'Allah sur toi et pour remercier Al-Mun'im, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui t'a donné. Celui qui t'a donné ses bienfaits. Allah t'a octroyé des enfants? Annonce-le aux gens. Alhamdulillah, j'ai eu un enfant. Allah m'a gratifié d'un enfant, c'est un bienfait, je remercie Allah, etc. Pas pour dire, ah, moi j'ai un enfant, toi t'es même pas marié, toi miskin. Hein? Par vantardise, ou par orgueil, ou par, hein, par supériorité sur la personne, wallahu al-musta'an. Donc, amma bi ni'matika. Quant au bienfait de ton Seigneur, hein, proclame, annonce hein, ce bienfait. وهذه كلمات يسيرة على هذه السورة العظيمة وما نقوله نحن أو غيرنا من أهل العلم فإنه لا يستوعب ما دل عليه القرآن من المعاني العظيمة نسأل الله أن يرزقنا الفهم في دين الله والعمل بما علمنا إنه على كل شيء قدير. Et donc ça c'est quelques paroles concernant cette sourate extraordinaire. Ad-Duha, hein, la plupart d'entre nous la connaissent. Hein. Même les Awam, tu vois, les gens, beaucoup connaissent cette sourate Ad-Duha. N'est-ce pas que sourate Ad-Duha, c'est une sourate qui est connue pratiquement de tout le monde. Elle est aimée, cette sourate, hein, et elle est souvent lue dans les mosquées. Mais combien d'entre nous comprennent le sens et ce que renferme comme signification, subhanallah. Donc ça, c'est quelques explications simples. Hein, il dit, le shir 6 que nous avons mentionné est autre que nous parmi les gens de science. Hein, malheureusement, ça, on ne peut pas englober tout ce que le verset, hein, tout ce que les versets signifient exactement. Juste, on se rapproche, hein, on se rapproche de l'explication sans pouvoir hein, donner la pleine explication totale de ces versets. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous octroyer la compréhension dans la religion d'Allah hein, et les œuvres. En œuvrant avec celle-ci hein, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de tout. Avec ça on a terminé hein, sur la tête de Doha. Il reste combien de temps? 5 minutes, 5 minutes? Oh, on arrête là alors. نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى ألجمه الله نعم بلجام من نار يوم القيامة نعم والحديث عند أبي داود خلاص طيب جزاكم الله خيرا إخوة لا semaine prochaine إن شاء الله on commencera سورة الليل إن شاء الله والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيراً